الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 72 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen sur la Aqidah d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a avec les explications de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen lui-même. Et le Cheikh, on est arrivé, donc on est toujours dans le chapitre au sujet de la foi en les livres, al-Iman ou bil-Kutub. Et on continue donc ce chapitre-là. Au dernier cours, on expliquait des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans certains versets que les gens du livre ont falsifié leur livre, ils ont changé leur livre. Et on avait cité au dernier cours les versets, par exemple, « مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ » Et on avait expliqué ce verset-là. Et l'autre verset que le Cheikh a cité par la suite, « فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Donc, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Malheur à ceux qui écrivent un livre avec leurs mains, puis qui disent « Ceci vient d'Allah hein, » pour essayer de vendre cela à un vil prix. Alors, malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils ont acquis. Et à propos de ce verset, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit وَهُمْ كَذَبَةٌ لِأَنَّهُمْ لَكِنَّهُمْ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَهُوَ أَنْ يَبْقَى لَهُمْ جَاهٌ لَدَى الْمُلُوكِ فَيَكْتُبُ لِلْمُلُوكِ مَا يُرِيد ثُمَّ يَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَمْشِي الْمَلِكُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ تَمْشِي الْعَامَّةُ عَلَى ذَلِكَ ليبقى لهم الجاه والرياسة وهل في هذه الأمة من عمل هذا العمل الجواب نعم في هذه الأمة من يحرف نصوص الكتاب والسنة إرضاء للرؤساء والسلاطين وهؤلاء يسمون علماء الدولة والسلاطين لأن العلماء فيما نرى ثلاثة أقسام الأول عالم دولة وهو الذي ينظر ما تشتهيه الدولة فيلوي أعناق النصوص إلى ما تريد والثاني عالم أمة وهو الذي ينظر ما يصلح للناس وما ويروق لهم فيحرف النصوص من أجل أن يوافق أهواء الناس وهذا كثير والثالث عالم ملة وهو الذي يقول بالملة وينتصر لها وهذا الأخير هو العالم الرباني. Donc le Cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit dans le verset dans sourate al-Baqarah, c'est le verset 79. Malheur à ceux qui écrivent avec leurs mains quelque chose, puis qui disent ceci vient d'Allah, pour le vendre à un vil prix. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors malheur pour eux, à cause de ce que leurs mains, ou pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux, pour ce qu'ils ont acquis. Oui, donc, le Cheikh explique que ces gens-là sont des menteurs. Mais ils vendent les versets d'Allah à vil prix, dans le sens que ils veulent toujours essayer de faire en sorte qu'ils gardent leur position et leur prestige auprès des rois, auprès des dirigeants. Hein? Ça, c'est ce qu'ils faisaient. Les juifs, c'est ce qu'ils faisaient. Ils écrivaient ce que les rois voulaient, hein, pour leur faire plaisir. Hein? Et ils disaient, ceci vient d'Allah. Hein? Pour faire plaisir et pour aller dans le même sens que ce que le roi désire. Ou bien dans le but d'aller dans le sens de qu'est-ce que la masse, hein, les gens du commun, qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Hein? Donc quand quelque chose ne plaît pas à la population ou ne plaît pas aux dirigeants, eh bien eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent quelque chose, puis ils disent, voici ce que Allah a dit. Hein? A'udhu billah. Et de cette manière, ils continuent à avoir leur prestige, leur position et leur autorité sur les gens. Hein? Allah al-musta'an. Et le cheikh, il dit, est-ce qu'il y a des gens dans cette umma, dans la umma de l'islam, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y en a parmi cette umma qui agissent de cette manière aussi, parmi les gens? Et le cheikh, il répond, cheikh ibn Uthaymin, il dit oui. Hein? Malheureusement, il y en a. Il dit qu'il y a parmi cette umma des gens qui déforment les textes du Coran et de la Sunna dans le but de faire plaisir aux dirigeants, hein, et aux autorités. Et on les appelle les savants de l'État ou les savants des dirigeants. Pourquoi? Parce que hein, les ulama, les savants, sont de trois catégories. La première catégorie, c'est les savants de l'État. Et c'est ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ce qui fait plaisir à l'État. Et qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Ils vont essayer de tordre le cou des versets et des hadiths. On vous l'a dit, ils essaient de les tordre ou de les déformer de leur sens réel pour faire plaisir à l'État. La deuxième catégorie des savants, des ulama, c'est le savant de la umma. Ça veut dire, ils regardent qu'est-ce que la masse veut entendre. Ils regardent qu'est-ce que la population aime. Et il émet des verdicts et il parle de la religion, il va déformer le sens des textes dans le but de faire plaisir à la passion de la masse et à la passion des gens. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Et il dit, ça, il y en a beaucoup comme ça. Tandis qu'il y a une troisième catégorie qui sont les ulama de la milla, c'est-à-dire ulama ou milla, c'est-à-dire les ulama, les savants de la religion. Eux, ce que la religion dit, ils le défendent. Et ils disent qu'est-ce que la religion enseigne. Et ça s'arrête là. Ils ne défendent pas les textes, ils ne défendent pas le Coran, ils ne défendent pas la Sunna, ils le prennent tel quel. Et ceux-là sont ceux qu'on appelle al-ulama rabbaniyoun, al-alim rabbani. C'est-à-dire le savant qui est sincère envers son Seigneur et qui enseigne la science que Allah lui a révélée telle qu'elle. Il ne défend pas la religion pour faire plaisir aux gens. Que ce soit au pouvoir, hein, il ne veut pas faire plaisir au pouvoir, il ne va pas non plus faire plaisir à la masse. Parce que vous avez de ces catégories-là. Et les ulama d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, qui sont sur le Coran et la Sunna et sur la voie des salafs, eh bien, ils sont sur la voie hein, des ulama de la religion. Ils essaient ni de faire plaisir aux dirigeants, ni de faire plaisir à la masse. Mais ils suivent la religion telle qu'elle est, et ils l'enseignent telle qu'elle est. Peu importe que ça déplaise aux dirigeants, peu importe que ça déplaise à la masse. C'est comme aujourd'hui, par exemple. Tu vois que dans certains pays, les musulmans, ils ne veulent pas respecter l'obéissance aux dirigeants et ils ne veulent pas écouter lorsque les ulama enseignent aux musulmans que dans l'islam, il faut écouter et obéir aux dirigeants dans le bien et qu'il est interdit de faire des manifestations et de se révolter. Et eux, la masse, ils ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent rien savoir de ça. Alors, si un savant qui est il veut se faire aimer des gens, il veut se faire accepter des gens, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va être devant ces gens-là, devant ces masses, il va sortir et il va leur dire, bravo, qu'est-ce que vous faites, c'est bien, continuez, hein? Malgré que ce qu'il dit c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna, hein? Et tandis que les ulama de Ahlus Sunna, ils vont dire non, qu'est-ce que vous faites? C'est batil, c'est haram, c'est contraire au Coran, c'est contraire à la Sunna, c'est contraire à la voie des salaf salih. Alors là, la masse, elles vont le huer, hein, et elles vont l'accuser de toutes sortes de noms, Et ils vont dire, ah lui, il fait ça pour faire plaisir au pouvoir. Il l'accuse dans son intention, alors qu'il ne fait que suivre ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et il appelle à ce que suivaient les salafs salih. Mais étant donné que ce n'est pas en leur intérêt et en accord avec leur passion, alors ils le refusent, ils le rejettent. Sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que vous avez aussi d'autres, ils disent, quand des dirigeants leur disent, écoutez, les dirigeants ils disent à ces savants, nous on a besoin d'une fatwa pour dire que le riba c'est halal. Parce que dans notre pays on a besoin de ça pour faire ci ou pour faire telle chose ou pour faire telle chose. Donc, allez, sors-nous cette fatwa. Alors lui il ne craint pas Allah, ou bien il essaie de déformer certains versets ou certains hadiths, puis il finit par dire par la suite, oui finalement c'est correct. Alors là les dirigeants sont contents, alors ils lui donnent un bon poste, un bon salaire, une bonne, et là, il va dire qu'est-ce qui leur fait plaisir. Et le savant de Ahlus Sunnah, non. Les dirigeants, ils lui demandent, c'est quoi le verdict de l'islam par rapport au riba? Ils disent, non, le riba, c'est haram. Qala Allah, qala Rasulullah, voici les preuves. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de compromis dans ces choses-là. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous pouvez me mettre le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche. Je ne vais pas changer de position là-dessus, ça, c'est clair. Alaykoum salam wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les mushrikines de Quraysh sont venus, il y a certaines paroles dans les livres de la Sira qui rapportent ce genre d'histoire. Ils disent, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, si c'est de l'argent que tu veux, on va te donner de l'argent. Si c'est les femmes que tu veux, on va te donner nos plus belles filles. Si c'est du prestige, de l'autorité, du pouvoir que tu veux, on va te faire notre roi. Mais arrête de prêcher ta religion et arrête d'appeler les gens à la ilaha illallah. Alors il a dit, même si vous mettez la lune dans ma main et le soleil dans mon autre main, je ne vais jamais arrêter ma da'wah. Ça dit, je ne veux rien savoir de vos biens là, qu'est-ce que vous voulez me donner? C'est pour Allah que je fais ça, c'est pas pour rien d'autre. Donc le alim al-rabbani, le savant qui est sincère pour Allah et qui travaille pour Allah et qui fait sa da'wah uniquement pour plaire à Allah, il ne recherche pas l'approbation de quiconque. Il ne cherche pas l'acceptation ou de faire plaisir à quiconque. C'est-à-dire que tu sois content ou que tu sois pas content, c'est ça la religion d'Allah. Et donc il y a des imams comme ça des fois. Et c'est arrivé dans certains pays même dernièrement. L'imam il est sur le minbar, il dit aux gens, ça c'est haram, qu'est-ce que vous faites? Les gens ils se lèvent, ils sortent. Ils veulent pas entendre. Ils veulent pas entendre le haq. Ils veulent entendre qu'est-ce qui est en accord avec leur passion. Nasallallahu al-afiyah. De quoi on doit mentir maintenant pour vous faire plaisir? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous écrive une permission spéciale? Ah, c'est pas comme ça. Si vous voulez le faire, faites-le. Allah, il va vous juger de toute façon. C'est pas pour moi. Si vous le faites, c'est pas pour moi. Si vous le faites pas, c'est pas pour moi. Moi, je vous ai averti. J'ai établi la preuve sur vous. Maintenant, c'est à vous de choisir. Li amali wa lakum amalukum. À moi mes œuvres et à vous vos œuvres. Donc, ça c'est un exemple. Et puis après, le cheikh dit, فَهَاُولَا الَّذِينَ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من أي الأصناف الثلاثة. الجواب أن هذا عالم دولة وعالم الأمة أيضا لأنهم ينظرون ما يصلح للناس فيحرفون الكلم عن مواضعه من أجلهم. Donc le cheikh il dit, ceux-là, ceux à propos de qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils écrivent un livre avec leurs mains, puis ils disent ceci vient d'Allah, pour le vendre à un vil prix. Et il dit, de quelle de ces trois catégories est-ce que ces gens-là qui sont décrits dans le verset, de quelle catégorie ils font partie? De la première catégorie, alimu dawla ou alimu umma ou bien alimu millah, de quelle des trois? Le cheikh il répond, il dit, ils sont soit des savants de l'État ou des savants de la umma. C'est-à-dire ils veulent faire plaisir aux dirigeants ou bien ils veulent faire plaisir à la umma. Parce qu'ils regardent qu'est-ce qui fait plaisir aux gens, qu'est-ce qui arrange les gens dans leur religion, puis après ils déforment les textes de leur contexte dans le but de faire plaisir à ces gens-là et de les satisfaire. Et donc c'est ça. Et souvent des gens aujourd'hui, c'est ça qu'ils pensent quand tu leur mentionnes les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'interdiction de désobéir aux dirigeants dans le bien, et l'obligation de leur obéir dans le bien, et que tu leur mentionnes qu'il est interdit de se révolter et de se rebeller contre les dirigeants tant qu'ils sont musulmans, et puis eux ils disent ah non, ça c'est pas vrai, ça il faut pas, ça c'est les dirigeants qui veulent ça. Certains parmi les munafiqins, ils sont même allés jusqu'à dire que ça c'était des hadiths que des gens ont écrit ou ont inventé pour faire plaisir aux dirigeants. Imaginez. Non, certains sont allés jusqu'à dire ça. Alors que c'est des hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Mais vous avez comme par exemple des gens comme le nouveau président de l'Institut pour l'Islam de France, nouveau président de l'organisation de la fondation ou l'Institut pour l'Islam de France, il dit ça. Il dit ça clairement dans ses conférences. Il dit, ils ont inventé des hadiths pour faire plaisir aux dirigeants. Audubillah. Non, il est soit ignorant ou incompétent. Il n'est pas ignorant. Et il n'est pas incompétent. Il est pire que ça. Et ça c'est beaucoup plus dangereux que ça. trop doux, trop modéré. C'est quelqu'un qui dit à propos d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il a rapporté ces hadiths là pendant qu'il était dans l'adolescence. Est-ce qu'on va prendre notre religion de quelqu'un qui est dans l'adolescence? Il a dit, c'est comme ça que tu parles d'Abu Huraira, de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, c'est comme ça que tu parles du sahabi, Hibrul Umma, le savant de la Umma, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le dua pour lui et qu'il a dit Allahumma faqqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. Puis toi tu dis ça de lui, comme si c'est un adolescent, comme un adolescent d'aujourd'hui là. Subhanallah wa bihamdi. C'est grave. Et il dit à propos de Abu Huraira des choses graves. Des choses graves. Donc c'est déjà comme ça, ils dénigrent les sahaba, dénigrent les salafs. Si tu vois comment ils parlent des sahaba, aucun respect. Ça c'est une des caractéristiques des gens de bid'ah. Ils critiquent et ils attaquent, ils dénigrent, ils insultent les salafs. Et les ulama, quand tu regardes dans les livres qu'ils ont écrits à propos de l'aqida, à propos du manhaj des salafs, ils ont dit, si tu veux reconnaître un mubtadi', regarde comment il parle des salafs. Il dit, si tu vois quelqu'un qui attaque les salafs, ça veut dire que c'est un mubtadi', clair. Il dit, min alamat ahli al-bid'a al-waqi'atu fi salaf. At-ta'nu fi salaf. Donc c'est le signe des zanadiqa, wal munafiqin, wal mubtadi'a. parmi les Mu'tazila. Hein, il fait l'éloge des Mu'tazila. Il fait l'éloge des Mu'tazila. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni les sahaba pour discuter à propos d'un sujet important. Et il a amené Abdullah ibn Abbas pour venir s'asseoir avec eux. Il était jeune à cette époque, c'était un enfant. Hein? Il est venu pour s'asseoir avec eux. Tous les anciens parmi les sahaba, les vieux, qui sont assis réunis avec Omar ibn al-Khattab pendant le khilaf d'Omar, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Omar ibn al-Khattab? Ils ont dit, ah Omar, nous on a laissé nos enfants à la maison, pourquoi tu amènes ce jeune-là ici? Alors il a voulu leur montrer c'était quoi la science de Abdullah ibn Abbas. Alors il leur a récité la sourate wal asr, إذا جاء نصر الله والفتح, le verset. Il leur a dit, qu'est-ce que vous dites sur cette sourate? Alors chacun, ils ont commencé à dire et à expliquer qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils pensent avoir compris de ce verset. Et puis après, il a dit, et toi, Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce que tu dis? Et là, Abdullah ibn Abbas, il a commencé à expliquer le tafsir et à donner l'explication. Ils ont tous été étonnés. Hein? Ils ont dit, c'est ça le tafsir que je... Omar, il a dit, c'est ça le tafsir que je connais. Que je connais. Il a voulu montrer aux autres compagnons le ilm, la profondeur de la compréhension du ilm d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Abbas, il était sur l'âne avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait quoi, peut-être 9 ans? Tu vois, tu sais quelle parole il dit? Tu sais quelle parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné à cet âge-là? Il a dit, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Des paroles, un sens, une profondeur de sens et de signification. Et il les enseigne, ces paroles, à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Aujourd'hui, il y a des adultes, tu leur dis ce hadith, ils ne le comprennent même pas. Hein? Et lui, cet enfant-là, il comprenait. C'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné quelque chose de particulier dans la compréhension. Et le hadith, ça veut dire, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, à ce moment-là, le prophète il dit à Abdullah ibn Abbas, alors qu'il était sur l'âne avec lui, garde Allah, ihfazillah, garde Allah, et Allah va te garder. Hein? Ou bien ça peut aussi vouloir dire, garde les règlements et les commandements d'Allah, et Allah va te préserver. Et yani, si tu gardes Allah subhanahu wa ta'ala, tu gardes ses enseignements, tu vas le trouver devant toi. Tajidhu tujahak, tajidhu amamak. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha, ya'rifuka fi ash-shidda. Yani, apprends à connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance. Quand tu seras dans des moments de difficulté, il va se rappeler de toi. Il va te connaître dans ces moments de difficulté. Celui qui, dans les moments d'aisance, il oublie Allah. Il s'amuse, il mange, il dort, il fait tout ce qu'il veut, il oublie Allah. Puis au moment qu'il a une difficulté, Ya Allah, aide-moi, Ya Allah, aide-moi. Hein? Mais pourquoi quand tu avais les difficultés, tu t'es pas souvenu d'Allah? Tu te souviens seulement d'Allah quand ça va mal dans ta vie. Puis quand ça va bien, tu oublies Allah. Alors le prophète lui dit, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Apprends à connaître Allah quand tu es dans des moments d'aisance, quand tout va bien dans ta vie. Adore-le, sois sincère envers lui. Sois un bon adorateur, un bon serviteur. Et quand tu auras des difficultés, il va se souvenir de toi dans ces moments-là. Et sache que si tous les hommes se mettaient ensemble pour te faire un bien, ils ne pourraient faire que ce que Allah a écrit pour toi. Et si tous les hommes se mettaient ensemble pour te faire un mal, ils ne pourraient rien te faire que ce que Allah a écrit pour toi. Donc ça, c'est le sens de mettre notre confiance en Allah. De ne pas avoir peur des hommes quand c'est le temps d'établir l'ordre d'Allah. Et de ne pas espérer rien des hommes excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Tu sais que les hommes ne pourront rien t'apporter excepté ce que Allah a écrit. Donc tu mets ta confiance en Allah. Si quelqu'un ne te donne pas, tu ne vas pas être triste. Si quelqu'un ne t'a pas donné ce que tu voulais, tu dis qaddar Allah ma sha fa'al. Et si quelque chose t'est arrivé de mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a prédestiné. Et les pages, les plumes sont levées, la page a séché, l'encre a séché. Donc c'est pour dire des paroles profondes, pour expliquer la compréhension de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Donc les gens aujourd'hui, Allah al-Musta'an, qui essaient de dénigrer les salafs et qui parlent contre eux, puis qui veulent faire un islam de France, نسأل الله العافية قاتلهم الله أن يؤفكون. Et ils pensent qu'ils vont réussir à déformer la religion d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il protège sa religion. Il protège le Coran. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Les juifs ont joué avec leur religion, ils ont déformé la religion. Les chrétiens, ils ont déformé leur religion. Les chrétiens, à chaque 50 ans, à chaque 100 ans, ils font un nouveau concile. Et puis ils commencent à écrire. Bon, ils disent, bon, les gens là, on voit que la population, et maintenant ils aiment l'homosexualité, bon, on va commencer à accepter ça. Ils veulent des femmes prêtres, bon, ça c'était interdit avant, maintenant on va permettre ça. Ils veulent plus que les religieuses veulent plus se voiler, ou elles veulent plus s'habiller de telle façon, ok, on va enlever ça. La messe était en latin, les gens ils comprenaient pas, bon, ok, on va changer ça. Là, c'est-à-dire, eux là, à chaque fois que les gens commencent à changer, eux ils changent avec les gens pour faire plaisir aux gens. Parce qu'ils disent de toute façon, si on change pas, les gens vont nous laisser. Donc on est obligé de faire ça, de faire des compromis avec la population pour que les gens continuent à venir à la messe ou venir à l'église. Et malgré tout, ils viennent pas. Tandis que la religion de l'islam, c'est pas les gens qui décident. Et les koufars, ils ont pas compris ça. C'est pour ça qu'ils disent, c'est un problème. Il faut que les musulmans changent l'islam. Parce que là, ça fait 1000 ans que l'islam est comme ça, puis l'islam n'a pas encore changé. C'est pas les musulmans qui décident qu'est-ce que c'est l'islam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide qu'est-ce que c'est l'islam. Et il a établi, la science de cette religion. Il l'a donnée à certains hommes parmi les ulama qui sont les héritiers des prophètes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les ulama sont les héritiers des prophètes. C'est-à-dire, les savants sont les héritiers des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils ont hérité des prophètes? C'est la connaissance. Ils ont hérité de la connaissance, qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et la compréhension de ça. Donc, celui qui veut être sur la religion de façon correcte, il va s'accrocher au Coran et la Sunna et se référer aux ulama qui ont la compréhension du Coran et de la Sunna. Il y a des ulama parmi les musulmans aujourd'hui. Il y en a qui, tout ce que les gens veulent, ils leur donnent des permissions pour le faire. Ils veulent écouter de la musique. Oui, la musique c'est halal. Ils veulent n'importe quoi. Tu le vois maintenant. Ils veulent raser la barbe. Oui, rase ta barbe, c'est halal. Il y en a tout ce qui est contraire à l'islam, ils vont le rendre halal. Même il y a un livre qui est écrit par Qardawi. Il s'appelle Al-Halal wal-Haram fil Islam. s'appelle le lycée télélycée, le lycée télélycée en islam. Il y a des ulama qui ont dit ça devrait être appelé, le livre devrait s'appeler plutôt Al-Halal wa Al-Halal fil Islam. Parce qu'il rend tout, qu'est-ce qui est haram, il le rend halal dans ce livre-là. A'ouzou billah. Et il y a plusieurs parmi les ulama qui ont écrit des réfutations de ce livre. Cheikh Al-Albani, il a réfuté. Cheikh Al-Fawzan, il a écrit un livre même pour réfuter ce livre-là. Et beaucoup d'autres ulama aussi. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'erreurs dedans, beaucoup d'égarements dedans. Hein? Les femmes qui... Les questions du hijab, les questions par rapport au hijab. Et puis, tu les vois, ils déforment les textes. Ouais, non, t'es pas obligé de te voiler. Une fois dans une conférence, Qardawi parlait aux femmes. Hein? Il a dit, moi là, je vais pas commencer ma conférence. Il parlait avec des hommes, il y avait des hommes et des femmes. Les femmes étaient, je pense qu'il y avait un balcon, les femmes étaient en haut, puis les hommes étaient en bas. Il a dit, moi je ne vais pas commencer ma conférence jusqu'à ce que les femmes descendent, qu'elles viennent s'asseoir ici en bas avec les hommes. Et puis il a dit, il y avait un présentateur assis à côté de lui, un homme. Il a dit, moi là je ne veux pas un homme qui vient s'asseoir à côté de moi, je veux que ce soit une femme. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous laissez toujours les femmes derrière? Mettez-moi une femme ici avec moi. Hein? Après, il a dit, pendant la conférence, il a dit, il faut pas que les femmes musulmanes, elles se voilent, elles mettent le niqab, elles couvrent leur visage. Il faut qu'elles ressemblent à leur sœur chrétienne. Hein? Il faut qu'elles essaient de ressembler plus à leur sœur chrétienne religieuse, qui couvre pas leur visage. Allah al-Musta'an. Donc c'est des gens comme ça. Hein? Tout ce que l'Occident veut, tout ce que les kuffars aiment, ils font des fatwas pour essayer de le mettre halal ou de le rendre halal ou d'aller dans leur sens. Et puis les kuffars ils disent, mais ça c'est des gens modérés, c'est des gens ouverts. Mais pourtant ils savent que lui c'est un égaré quand même. Parce qu'il a des fatwas pour justifier les attentats suicides, pour justifier les affaires comme ça. Tu vois que des gens comme lui, il va dans tous les sens. Il va dans tous les sens, dans le laxisme et dans l'extrémisme, dans tous les sens. Donc c'est ça la situation de la Ummah maintenant. On fait affaire à des gens comme ça. Et puis les ulama d'Ahl Sunnah, ceux qui s'accrochent au Coran et à la Sunna de façon fidèle, de façon sérieuse, eh bien eux, ils sont dans le juste milieu et dans la modération, parce que ils se limitent au texte et ils expliquent la religion selon les principes de l'islam, tels que compris par les pieux prédécesseurs, et après ça, ils essaient de faire passer il y a des gens qui essaient de les faire passer pour des extrémistes. Ils vont dire, ah, eux sont des extrémistes, eux sont trop durs. Et on leur demande, mais c'est sur quoi vous basez-vous pour dire qu'un musulman est extrémiste ou qu'un musulman est modéré? C'est quoi la référence pour vous? Hein? C'est comme quand tu regardes, par exemple, aujourd'hui, quand tu regardes les koufars, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont établi comme signe de radicalisation dans les sites du gouvernement, soit en France ou dans d'autres pays. Ils parlent des signes de radicalisation. Donc ils disent, est-ce que votre enfant il prie 5 fois par jour, est-ce qu'il fait le jeûne du Ramadan, est-ce qu'il cesse d'écouter de la musique, est-ce qu'il refuse de serrer la main aux femmes, est-ce qu'il commence à laisser pousser sa barbe, est-ce qu'il commence à exiger de manger de la nourriture halal, est-ce que ses pantalons sont en haut des chevilles? Donc ça, c'est pour eux des signes de radicalisation, alors que ça fait partie des enseignements de l'islam normal. Yani, subhanallah. Est-ce que ça, si quelqu'un il commence à faire ça, ça veut dire qu'il est terroriste? Hein? Subhanallah. Ça fait depuis 1991 que je me suis converti à l'islam. Et ça fait depuis 1991 que j'ai mes pantalons en haut de mes chevilles. J'ai jamais pensé à faire un attentat terroriste de ma vie. Et au contraire, j'ai toujours condamné ça. Alors comment ces gens-là vont essayer de faire croire aux gens que parce que tu es musulman, parce que tu es salafi, parce que tu portes la barbe, parce que tu as un qamis, parce que tu ne serres pas la main aux femmes, parce que tu n'écoutes pas de musique, que ça, ça veut dire que tu es un danger pour la société. D'où est-ce qu'ils ont pris ça? Hein? C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont dévié et qui sont tombés dans l'extrémisme et la voie des terroristes que ça veut dire que ça, c'est la règle et que l'islam enseigne ça. Ou que le fait d'appliquer ces règles de l'islam, que ça veut dire qu'on devient un extrémiste. Pas du tout. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont tombés sur des gens d'égarement, des égarés, et ils les ont suivis dans leurs propos. Et ils se sont éloignés des savants de l'islam. Ils se sont éloignés des savants, des ulama de l'islam. Tous ces gens-là, ces jeunes-là qui suivent cette voie-là, c'est, la plupart, c'est tous des gens qui détestent les ulama de l'islam. C'est vrai, ils ne veulent pas prendre rien des ulama. Ils disent que c'est des ulama du sultan. Aujourd'hui, c'est comme ça. Les ulama du sultan, pour eux, c'est qui? C'est les ulama qui suivent le Coran et la Sunna et qui prennent la compréhension des salafs. Mais parce qu'ils ne veulent pas déclarer les dirigeants kuffars, hein, comme eux, parce qu'eux, ils suivent la voie des khawarij, ils déclarent tout le monde qui fait des péchés kuffars. Donc si tu n'es pas avec les khawarij, tu es un alim sultan. Vous voyez comment des fois les termes peuvent être utilisés par des gens, puis ils déforment la compréhension qui est derrière ce terme. Cheikh Ibn Uthaymin, il dit ici, alim sultan, alim dawla, le savant qui travaille pour l'État, il veut faire plaisir à l'État. Hein? Quand l'État lui demande de rendre halal quelque chose, il le fait pour leur faire plaisir parce qu'il veut garder son statut, son importance. Tandis que l'autre, ils disent, non, c'est pas un alim sultan. Hein? C'est qui n'est pas un alim sultan pour eux? C'est celui qui dit non, hein, il faut faire, c'est correct de faire des actes de violence, de terrorisme, des choses comme ça. Et c'est correct de faire le takfir et des choses comme ça. Lui, c'est pas un alim sultan. Donc c'est ça le résultat. Et puis tu entends ces gens-là, par exemple, comme Qardawi, qui vont dire ce genre de propos à propos des dirigeants. Puis d'un autre côté, il s'en va s'asseoir avec eux, hein, et il leur donne des fatwas, puis il s'assoit avec eux, puis il les cajole, et, hein, il est complaisant avec eux, avec ces dirigeants-là. Il leur fait des fatwas pour leur permettre qu'est-ce qu'ils veulent. Puis après, il dit, ouais, c'est des hypocrites, et c'est comme ci, et c'est comme ça, en arrière. Donc il a deux visages. Un visage devant les gens pour se faire aimer, il montre devant la population qu'il est contre les dirigeants, puis un autre visage avec les dirigeants quand il s'assoit avec eux en privé, et puis il leur dit qu'est-ce qu'ils veulent entendre pour se faire aimer aussi de la part des dirigeants. Donc il est alim dawla et alim umma en même temps, subhanallah. Donc t'as toutes les catégories imaginable. De toute façon, les ulama d'Ahl Sunnah, c'est des ulama qui sont, leur intérêt et leur intention et leur objectif, c'est uniquement d'enseigner la religion d'Allah aux hommes et de dire la vérité à propos de la religion d'Allah. Ils ne cherchent ni à faire plaisir aux dirigeants, ni à faire plaisir à la population. Ils font ce qu'ils font uniquement pour Allah. Le cheikh, il cite un autre verset ensuite. Et c'est le verset suivant. Ouais, il n'a pas fini d'expliquer l'autre verset encore. Il dit, وَقَوْلُهُ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ تَوَعَدَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى هَذَا الْفِعْلِ وعلى نتائج هذا الفعل يعني على الفعل في قوله فويل لهم مما كتبت أيديهم وعلى نتائجه في قوله وويل لهم مما يكسبون، لأن هذا الذي كتبت أيديهم سيكون له نتائج سيئة، سينصرف الناس عن الدين ويأخذون بما كتب هؤلاء. والشاهد من هذا قوله تعالى يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وهذا يدل على أن الكتب السابقة قد حصل فيها ما حصل. Donc le Cheikh il dit ensuite dans le verset 79 dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit alors malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux pour ce qu'ils ont acquis. Et le Cheikh il dit dans ce verset, dans cette partie du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il les menace par rapport à l'acte qu'ils ont fait, c'est-à-dire d'écrire des paroles puis de dire que ça vient d'Allah alors que ça c'est eux qui l'ont inventé, et il les menace aussi par rapport à la conséquence de leurs actions, c'est-à-dire que les résultats ou les conséquences du fait d'avoir écrit des paroles et de les avoir attribuées à la religion ou de les avoir attribuées à Allah alors que ça ne vient pas d'Allah, eh bien, le résultat de ça, c'est que, à cause de ça, il y aura des conséquences négatives qui vont découler de ça. Les gens vont se détourner de la religion par la suite, parce qu'ils vont voir que c'est un mensonge. Et ils vont prendre de ces livres-là des choses fausses. Donc, les gens vont détester la religion à cause d'eux. Et c'est ça que tu vois aujourd'hui beaucoup de gens par rapport à la religion catholique, au Québec en particulier. Et en France aussi, beaucoup de gens sont devenus athées à cause de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique n'a fait que, à travers son histoire, déformer la réalité de la religion. Et mentir à propos de la religion. Donc, quand les gens ont vu ça, eh bien, ils ont commencé à remettre en question la religion et à douter de la religion et à la rejeter. On dit ça, c'est pas sérieux ça. Et beaucoup de chrétiens... si quelqu'un il a été élevé dans une famille chrétienne ou dans une société chrétienne, beaucoup de chrétiens ils s'imaginent que si tu sors du christianisme, il n'y a rien d'autre en dehors. Ça dit que soit que tu es chrétien ou soit que tu ne crois pas en Dieu. C'est ça la mentalité de beaucoup de gens. Donc ils ne pensent pas que s'ils quittent le christianisme, ils vont essayer de chercher ailleurs pour chercher la vérité. Pour lui, ça y est, c'est fini. Si la religion catholique, si la religion chrétienne, elle n'est pas vraie, ça veut dire qu'il devient athée. Il n'y a pas d'autre option. Il ne pense pas qu'il y a d'autres choses qu'il peut trouver, où il peut trouver la vérité. Donc, c'est pour ça que parmi eux, s'il n'y en a pas qui vont faire des efforts pour chercher la vérité ailleurs, ils vont tomber dans l'athéisme. Mais ceux parmi eux qui vont réaliser que l'Église chrétienne, l'Église catholique, elle est dans le mensonge, et qui vont réaliser ça et commencer à quitter ça, ils vont tomber dans l'athéisme. Mais s'ils cherchent par la suite réellement, ils trouvent l'islam, ils deviennent musulmans. Beaucoup d'entre eux deviennent musulmans. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui deviennent musulmans. Et naam. Ensuite, le cheikh il dit, donc qu'est-ce qu'on veut tirer de ce verset-là, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'ils écrivent des livres avec leurs mains, puis qu'ils disent ceci vient d'Allah. Ça, c'est la preuve que c'est des choses qui se sont produites à propos des livres précédents. Ils ont falsifié leurs livres. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que premièrement il dit qui a fait descendre le livre qui est venu à Moussa, dans lequel il y a la lumière et une guidance pour les hommes. Il dit vous en faites des recueils dans lesquels vous mettez des parties et vous cachez l'autre partie. Vous cachez beaucoup d'entre ce qui a été révélé. Donc ça c'est l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à propos de ce verset-là. Et Cheikh Ibn Uthaymeen il dit وَهَذَا أَيْضًا فِيهِ بَيَانٍ كَتْمِ عُلَمَائِهِمْ لِمَا نَزَلَتْ بِهِ التَّوْرَةِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّوْرَةَ لَيْسَتْ مَحْفُوظَةً. Donc ça c'est la preuve que les juifs ils ont caché une grande partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, hein? Et que par conséquent ça prouve que la Torah elle n'a pas été préservée. Un autre verset que le Cheikh a cité aussi, c'est le verset وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Donc ça c'est le verset, les versets 78 et 79 dans surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et parmi eux il y en a un groupe qui tordent leur langue ou qui tournent leur langue, hein, en parlant pour faire croire, pour que les gens pensent que ça fait partie du livre. Hein? C'est-à-dire, ils le récitent d'une certaine, ils disent des paroles d'une certaine façon, en les prononçant d'une certaine façon pour faire croire aux gens que ça fait partie du livre révélé. Mais ça ne fait pas partie du livre. Et ils disent, cela vient d'Allah, alors que ça ne vient pas d'Allah. Et ils disent des mensonges à propos d'Allah, alors qu'ils savent. Hein? Et le Cheikh il dit à propos de ce verset là, il dit هذه الآية نتكلم عليها لفظا ثم معنا. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. هنا يحصل الوقف ثم نبتدي فتقول ثم تبتدي فتقول وما هو من الكتاب لأن قوله وما هو من الكتاب رد لقوله لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله. قف هنا أيضا ثم ابتدئ وما هو من عند الله. أما الآية وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب واللي نوعان لي معنوي وهو التحريف المعنوي ولي لفظي وهو التحريف اللفظي وجعل بعض العلماء من اللي اللفظي أن تتلو النصوص غير القرآنية بتلاوة النصوص القرآنية يعني تقرأ الأحاديث كأنها تقرأ القرآن لأنك إذا قرأت الحديث بنغمة قراءة القرآن أو أوهم السامع أنه قرآن فيدخل ضمن قوله يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. قال ويقولون على الله الكذب يعني أنه أنزل هذا من والله لم ينزله وهم يعلمون أنهم كاذبون. Donc le Cheikh il dit que premièrement, on voit dans ce verset qu'un groupe d'entre eux, ils tournent leur langue dans leur bouche quand ils récitent le livre pour faire croire que cela fait partie du livre, alors que ça ne fait pas partie du livre. Et il dit, et ils disent que cela vient d'Allah. Et après il dit, mais cela ne vient pas d'Allah. Et quand on dit qu'ils tournent leur langue dans leur bouche par rapport au livre, il dit il y a deux sens à ça. C'est soit qu'il tourne le verset, il le déforme dans son sens, ou il le déforme dans sa prononciation. Et certains des ulama ont mentionné que parmi les exemples qui peuvent même rentrer dans ça, c'est les gens qui récitent des textes de la religion qui ne sont pas du Coran, ils le récitent avec les règles du tajwid comme le Coran. Alors quand les gens vont entendre ça, ils pensent que c'est le Coran. Des fois même, tu leur dis juste des paroles normales, tu parles juste en arabe classique. Hein? Tu dis des paroles en arabe classique normales, c'est même pas le Coran, même pas des hadiths, juste une parole ordinaire que tu prononces en arabe classique, avec les règles de grammaire correctes, et puis à la fin, quand tu as fini, dis Sadaqallahul Azim. Il y en a peut-être, ils font ça juste pour plaisanter aussi. Quand j'étais à Mecca comme ça, je parlais des fois avec des vendeurs. Et bon, moi j'étais étudiant là-bas, je connaissais pas l'arabe ami. Hein. Je peux pas parler l'arabe égyptien de la rue, là, comment il parle. Alors quand je commande un sandwich ou bien quand je demande n'importe quoi, je le demande en arabe classique. Alors, eux, ils commencent à se moquer de moi parce que je parle arabe classique. C'est comme si, en voulant dire, hey, toi, tu parles quel arabe là? En train de, comme si en voulant dire, pour se moquer, ils vont dire, Sadaqallahul Azim, pour se moquer de toi. J'ai dit, t'as pas honte? T'es un arabe, tu te moques de ta langue? J'ai dit, adji, bien allez. En tout cas. Et pour dire donc, quand tu récites une parole, il dit même un hadith ou une parole ordinaire, tu ne dois pas le réciter avec le même ton que la récitation du Coran pour faire croire à la personne à qui tu parles que qu'est-ce que tu es en train de dire, c'est le Coran. Hein, parce que ça peut rentrer dans le sens du verset « Yalwuna al-sinatahum bil-kitab litahsabuhu min al-kitab » parce qu'il y a des gens comme ça, ils ne connaissent pas. Hein? Tu leur dis n'importe quoi, ils acceptent. Tu dis ça c'est dans le Coran, ils disent ah ça c'est dans le Coran, parce qu'il a jamais lu le Coran. Il y a beaucoup de musulmans, ils n'ont pas lu le Coran au complet, ou bien ils ne savent pas tout le Coran, donc quand tu leur dis des choses, ils ne savent pas si c'est vrai ou non, mais juste parce que tu le récites d'une façon, ils vont penser que c'est le Coran. Hein? Donc les juifs, ils faisaient ça. Ils récitent des versets, ils font croire aux gens que c'est des versets, ce n'est pas des versets. Ils disent ça vient d'Allah et ça ne vient pas d'Allah. Et ils disent le mensonge. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ hein? Ils disent ça c'est révélé alors que c'est pas révélé. Alors qu'ils savent. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point-là. J'ai dépassé un peu le temps. Mais c'est pas grave parce qu'on change l'heure demain. Donc c'était pour vous habituer à la nouvelle heure. Donc demain on va faire la prière au lieu de 7h30. On va faire demain à 8h40. D'accord? Et puis, on a changé toutes les heures des autres prières des autres depuis le Fajr, Zohor, Asr, Maghrib. Et là, on n'a pas changé le Isha parce qu'on n'avait pas encore prié. Mais après la Salat, on va le changer. Donc, n'oubliez pas de changer l'heure quand vous rentrez là. Pour demain. On ajoute une heure. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il y en a qui pensaient être en retard là. Alhamdulillah, on a retardé.